ya miso na ngai Eliseo seko tanga tanga tanga soke kwe ya kesi kamoko mele salali ziba bijou Je suis resté seul ngai moko e yo e pa yo kende obosa na ngai loko la obosa na bibero omela kitango sala ki bebe La où tu es, tu n'es pas seul aux alliés au mon côté au bijou na mamboko ya moto les yeux dans les yeux omela kama sanga kopo moko Passa. Alemoni. Oh commandant. Sex. Nakati Alembe. Si quand tu dis problème à même ça. Féroce, ma catégorie.